C'est le jour du souk. Atik Shaokat est en retard, mais impossible d'avancer plus vite. Il abat sa cravache autour de lui pour se frayer un passage dans la foule loqueteuse qui tourbillonne, telle une nuée de feuilles mortes, parmi les étals du marché. Les exhalaisons des produits avariés remplissent l'air d'une odeur épouvantable, tandis qu'une chaleur implacable écrase l'esplanade. Quelques femmes fantomatiques, interdites derrière leur tchadri crasseux, s'accrochent aux passants, la main suppliante, ramassant au passage une pièce de monnaie ou une imprécation. D'autres, encombrés de marmailles aux narines effervescentes de mouches, s'agglutinent désespérément autour des marchands de fruits, guettant, entre deux litanies, une tomate ou un oignon pourri. Atik se remet à cogner pour disperser les flots humains, s'acharne inutilement sur un groupe de vieillards aussi insensibles à ses coups de martinet qu'aux sanglots d'une fillette égarée dans la cohue. Puis, profitant d'une brèche occasionnée par le passage d'un camion, il parvient à se faufiler jusqu'à une ruelle moins agitée et se dépêche, en boitillant, vers un vieux dispensaire désaffecté que les talibans utilisent parfois comme maison d'arrêt occasionnelle lorsqu'une exécution publique est prévue dans le quartier. Plus rien ne sera comme avant, semblent dire les routes crevassées, les collines teigneuses, l'horizon chauffé à blanc et le cliquetis des culasses. La poussière a terrassé les vergers, aveuglé les regards et cimenté les esprits. Par endroits, le bourdonnement des mouches et la puanteur des bêtes crevées ajoutent à la désolation quelque chose d'irréversible. On dirait que le monde est en train de pourrir, que sa gangrène a choisi de se développer à partir d'ici, dans le Pachtoun. Les terres afghanes ne sont que champs de bataille, arènes et cimetières. Tout paraît embrasé, fossilisé, foudroyé par un sortilège innommable. Puis, sans préavis, au pied des montagnes rageusement épilées par le souffle des fournaises, surgit Kaboul, ou bien ce qu'il en reste. Les hommes sont devenus fous. Les prophètes sont morts, et leurs fantômes crucifiés sur le front des enfants. Et pourtant, c'est dans le mutisme des rocailles et le silence des tombes, parmi la sécheresse des sols et l'aridité des cœurs, qu'est née notre histoire. Les hirondelles de Kaboul. De Yasmina Kadra. Mohsen Rahmat ne sait pas quoi faire. Depuis le matin, il n'arrête pas de flâner à travers les faubourgs dévastés. Les estaminets, les gargotes, les maisons et les édifices sont partis en fumée. Les boutiquiers ont mis leur sourire au placard. Les fumeurs de Tchelam se sont volatilisés. Kaboul est devenue l'antichambre de l'au-delà. Hier encore, deux hommes, dont l'un à peine adolescent, ont été pendus au bout d'un camion-grue pour n'être décrochés qu'à la tombée de la nuit. Mohsen a cessé de rêver. La mort, pour lui et pour les autres, n'est qu'une banalité. Il hésite longtemps avant de se décider à rejoindre l'attroupement sur la place. On a annoncé l'exécution publique d'une prostituée. Elle sera lapidée. Quelques heures auparavant, des ouvriers sont venus décharger des brouettes remplies de cailloux à l'endroit de la mise à mort et ont creusé un petit fossé d'une cinquantaine de centimètres de profondeur. Ils se sont bouchés les oreilles à l'appel du Mouazzin pour n'écouter que les grivoiseries de Satan. Mohsen profite des brèches que l'agitation taille dans la cohue pour gagner les premières rues. Cette femme n'ignorait rien de ce qu'elle faisait. L'ivresse de la fornication l'a détournée de la voie du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui lui tourne le dos. En se dressant sur la pointe des pieds, il voit un homme planter la femme impure dans le fossé, la recouvrir de terre jusqu'aux cuisses de façon à la maintenir droite et à l'empêcher de bouger. Droit, ni à sa miséricorde, ni à la pitié des croyants. Elle va mourir dans le déshonneur comme elle y a vécu. Oh, Dans une ruée indescriptible, les gens se jettent sur les monceaux de cailloux. Hossein ramasse trois pierres. Les deux premières se perdent à cause de la frénésie alentour. Mais à la troisième tentative, il atteint la victime en pleine tête et voit, avec une insondable jubilation, une tache rouge éclore à l'endroit où il l'a touchée. À 42 ans, Atik Shaukat est déjà usé. Quand on passe ses nuits à veiller les condamnés à mort et ses jours à les livrer au bourreau, on n'attend plus grand-chose du temps qui reste. Pas question de rentrer chez moi pour la retrouver couchée en chien de fusil. Toutes les nuits, sa femme le tient en alerte, presque démente, pour ne s'assoupir qu'à l'aube, terrassée par la souffrance et les contorsions. Pourquoi ai-je survécu tout ce temps à tout? Pourquoi? Si c'est pour végéter ici. Tous les jours, il est obligé d'écumer l'antre pestilentiel des charlatans en quête d'élixirs susceptibles de soulager ses douleurs. Quelquefois, il joint ses mains tremblantes autour d'une fatiha et supplie le ciel de rappeler son épouse. Après tout, pourquoi continuer à souffrir? Atik ! Oh ! Tu parles tout seul ou quoi ? Lui, c'est Mirza Shah. Ils ont grandi ensemble dans un quartier défavorisé. Leurs parents avaient trop de soucis pour s'occuper d'eux. Ils se perdirent de vue jusqu'au jour où les Russes envahirent le pays. Mirza Shah fut l'un des premiers militaires à déserter l'unité pour rejoindre les Moudjahidin. Atik le retrouva sur le front, servit sous ses ordres quelque temps, avant qu'un obus vienne interrompre l'élan de son djihad. Après la retraite des forces soviétiques, et grâce à ses relations, Mirza mit sur pied de petites entreprises qui servirent de couverture à ses investissements parallèles, notamment dans la contrebande et le trafic de stupéfiants. Je te sers un thé? Volontiers. Tu as fermé plus tôt que prévu? C'est difficile d'être son propre geôlier. Tu vas pas me dire qu'il ne reste plus de locataires dans tes cellules? La dernière a été lapidée ce matin. La putain? Je n'ai pas assisté à la cérémonie, mais on m'a raconté. Je te trouve bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? En te voyant dans la rue, je me suis dit... soit Atik est en train de perdre la raison, soit il est en train de mijoter un coup d'état. Attention à ce que tu dis. C'est pour rire. On ne plaisante pas à Kaboul, tu le sais bien. Nous étions très amis, enfant. Tu as oublié? Les têtes brûlées n'ont pas de mémoire. On ne se cachait rien? Aujourd'hui, c'est plus possible. Tu parles. Mais qu'est-ce qui a changé, dis-moi? Les mêmes armes circulent toujours. Et les mentalités sont les mêmes qu'il y a des siècles. Ceux qui attendent un changement perdent leur temps. Tu n'es pas bien parce que tu ne sais pas ce que tu veux, c'est tout. Les amis sont faits pour aider à y voir clair. Raconte-moi. Mon épouse est malade. Et le médecin dit que c'est sans espoir. N'est-ce pas la volonté du Seigneur? Oui, je l'accepte. Sauf que je suis seul. J'ai personne pour m'aider. Ouais. Répudie-la. Elle n'a plus de famille. Je peux pas lui faire ça. Pourquoi pas? Elle m'a sauvé la vie, rappelle-toi. Tu parles. Dieu seul dispose de la vie et de la mort. Toi, tu as fait 100 fois plus pour elle. Tu l'as épousée. Alors qu'à l'époque, elle était déjà vieille fille. Tu lui dois rien. C'est à elle de s'incliner devant toi. Serais-tu fou au point de l'aimer? Il ne s'agit pas d'amour. Mais on est ensemble depuis presque 20 ans. C'est pas rien. La seule question est qu'attends-tu pour la foutre à la porte? Je veux plus te voir dans cet état. Et surtout pas à cause d'une femme. Un jeune homme vient de s'arrêter dans l'embrasure de l'échoppe, le regard lointain et les lèvres exsangues. Il porte un doigt à sa tempe pour recouvrer ses esprits. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu vois pas qu'on discute? Oui. Pardon, excusez-moi. Je m'en vais. C'est ça, va-t'en. Plus vite que ça. Partout où il s'est hasardé, Mohsen Rahmat est aussitôt rattrapé par une incommensurable lassitude. Le seul ami qu'il avait est mort d'une dysenterie l'an dernier. Et il n'en a pas d'autre. Une confidence est vite mal interprétée. Et les talibans ne savent pas pardonner aux langues imprudentes. Il pousse la porte de sa maison. Dans la pièce, il ne reste plus rien. Mohsen a vendu l'ensemble de ses meubles, les uns après les autres, pour survivre aux pénuries. Maintenant, il n'a même pas de quoi remplacer les vitres cassées. Chaque fois qu'un milicien passait dans la rue, il lui donnait l'ordre de les réparer sans tarder, car un badaud risquerait d'être choqué par le visage dévoilé d'une femme. Mohsen a donc entoilé les fenêtres, et depuis, le soleil a cessé de lui rendre visite. Je t'apporte à manger ? Je n'ai pas faim. Un peu d'eau ? Si elle est fraîche, oui. Tu as l'air exténué. J'ai beaucoup marché. J'ai mal aux pieds. Fais voir. Je t'ai attendu au déjeuner. J'ai oublié. Tu as oublié? Oui. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'étais dans une sorte de brouillard. Et j'ai erré comme ça, sans me souvenir de mon chemin, sans savoir où aller. Tu as dû rester trop longtemps au soleil. Il ne s'agit pas de ça. Est-ce que j'ai changé? Pourquoi tu me poses cette question? Est-ce que je suis toujours le même homme? Celui que tu préférais aux autres? Est-ce que tu trouves que je te traite comme avant? Beaucoup de choses ont changé. Notre maison a été bombardée. Nos proches ne sont plus là. Certains sont morts. On m'a pris mon travail. Mais on est ensemble, Mohsen, pour nous soutenir. Tu n'as pas changé. Tu es mon seul soleil, Zunaira. Si tu trouves que je change, que je suis en train de devenir fou, surtout dis-le-moi. J'ai l'impression que les choses m'échappent et que je ne me contrôle plus. Je ne veux pas te faire de mal. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. J'ai fait quelque chose d'impensable ce matin. Je ne sais pas comment j'ai pu. Une prostituée a été lapidée sur la place. Je me suis joint à la foule de malades qui réclamaient du sang. J'étais comme absorbé par un tourbillon. Moi aussi, je voulais être aux premières loges, la voir mourir de près. Et lorsque ça a commencé, je me suis mis à ramasser des cailloux. J'étais devenu fou, Zunaira. Comment est-ce que j'ai pu? Ce matin, parce que la foule hurlait, j'ai hurlé. Et parce qu'elle réclamait du sang, j'en ai réclamé aussi. Depuis, je n'arrête pas de regarder mes mains. J'ai peur de moi. Tu as lapidé une femme? Je crois même l'avoir touchée à la tête. Tu ne peux pas avoir fait ça, Mohsen. Tu es un homme instruit. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est comme si la foule m'avait ensorcelé. Je ne me rappelle pas comment j'ai ramassé les pierres. Le pire, c'est que je n'ai même pas essayé de résister. Zunaira. Zunaira. Atik contemple les milliers de constellations sémillantes dans le ciel. Quelque chose comme un sanglot lui contracte la gorge. Elle m'a sauvé la vie, rappelle-toi. Ma sœur est rentrée. Je peux encore me débrouiller sans elle. Oui, mais tu étais si mal ce matin. Quand j'ai vu toutes les affaires bien rangées, la cour balayée, j'ai cru que ma sœur était revenue. Je n'ai besoin de personne. Ah. Tu as sûrement faim? Je t'ai préparé un riz comme tu l'aimes et aussi une galette d'orge. Pourquoi te donnes-tu tant de mal? Je veux être une bonne épouse jusqu'au bout. Je ne te l'ai pas demandé. Tu n'as pas besoin de le faire. Je refuse d'abandonner, Attic. Tu sais combien je déteste l'humiliation. Tu es malade, c'est tout. Je sais que tu dois te reposer. Tu n'as pas besoin de me prouver je ne sais quoi en faisant trop. Oui. Mais c'est la première fois que mon mari ne me parle plus. Je ne te parle pas, c'est vrai. Mais je ne t'en veux pas. Je suis juste épuisé. Moi, tout ce que je veux, c'est trouver un peu de paix chez moi. C'est trop demandé. On dirait que tu me provoques. Je ne te provoque pas. Mais si! Dès que tu vas un peu mieux, tu en fais trop pour me prouver que tu tiens sur tes jambes. Deux jours après, tu flanches, et je suis obligé de te ramasser à la petite cuillère. Ça va durer combien de temps, ce manège? Pardonne-moi. L'autre nuit, à la pleine lune, j'ai ouvert les volets pour te voir dormir. Tu avais l'air paisible, un petit sourire. On aurait dit que toutes tes souffrances s'étaient envolées. À ce moment-là, j'ai souhaité que la nuit n'en finisse pas. Je me suis assise près de toi. J'avais envie de prendre ta main, mais j'ai eu peur de te réveiller. Alors j'ai pensé aux années que nous avons partagées, souvent pour le pire. Et je me suis demandé si nous nous étions aimés. Mais qu'est-ce que tu as ce soir? Je te trouve bien bavarde. La maladie. C'est un grand instant de vérité, la maladie. Tu as déjà été malade. Mais cette fois-ci, je sais que je vais en mourir. Oh, d'abord, tu me prépares à dîner, ensuite tu me le gâches. Pardonne-moi. Je n'ai pas que ça à faire, figure-toi. J'ai peur. De quoi? Des jours qui viennent. Si seulement tu pouvais m'aider. Comment? En me répétant ce que le médecin t'a dit au sujet de ma maladie. Non, encore! C'est pas vrai! À quelques pâtés de mansarde de là, Mohsen Rahmat ne dort pas. Ils ont soupé en silence, lui prostré, elle absente. Zunaïra gardait la nuque courbée, les yeux effleurant à peine le rebord de la petite table. Comme ni l'un ni l'autre ne mangeait vraiment, elle a ramassé le plateau et s'est retirée derrière le rideau. Mohsen enfile une robe et des sandales, souffle la chandelle et sort dans la rue. Il s'assoit sur la marche, croise les bras sur la poitrine et cherche dans le ciel une étoile. En ce moment précis, un homme surgit et dévale la ruelle. Mohsen reconnaît celui qui a failli lui cingler la figure avec sa cravache tout à l'heure, sur le seuil de l'échoppe. Qui est là? C'est moi, Nazi. On t'a pas appris à frapper avant d'entrer? Je ne voulais pas te déranger. Mais je ne suis pas venu les mains vides, j'ai apporté un peu de viande séchée. Et des baies. Mets-toi là. J'ai vu de la lumière et je me suis dit, le brave Attic n'est pas bien. Et il ne serait pas venu à cette heure dans la prison s'il n'avait pas eu besoin de se changer les idées. Il faut que j'aille lui tenir compagnie. Nazish était moufti à Kaboul il y a 10 ans. Ses prêches du vendredi rassemblaient des centaines de fidèles. Puis sans crier gare, on le vit un matin, les yeux révulsés, et la bouche salivante, marchait en gesticulant le long des avenues. On le voit souvent sur le pas de sa porte, assis sous un parasol décoloré, à regarder passer les jours et les gens avec une égale indifférence. Tu sais ce que je vais faire, Attic? Je vais partir. Tu vas partir où? Je n'en sais rien, je vais partir, c'est tout. J'ai préparé mon baluchon, mon gourdin et mon argent. Dès que mon pied droit sera guéri, je leur rendrai leur carte de rationnement, tous les papiers que j'ai, et sans dire merci ni adieu, je m'en irai. je prendrai un chemin au hasard et je le suivrai jusqu'à l'océan. Et quand j'arriverai au bord de la mer, je me jetterai à l'eau. Je ne reviendrai plus à Kaboul. C'est une ville damnée, pleine de veuves et d'orphelins. Et de talibans aussi. Ceux-là, ils perdent rien pour attendre. Quand est-ce qu'il sera guéri, ton pied ? Dans une semaine ou deux. Et après, je prends mes clics et mes claques et pfoup, ni vu ni connu. Je marcherai jusqu'à tomber dans les pommes, droit devant moi, sans parler aux gens. Marcher, marcher, marcher, jusqu'à ce que la plante de mes pieds se confonde avec les semelles de mes savates. Tu dis toujours que tu vas partir et tu es toujours là. Mon pied est malade. Oui, avant c'était ta hanche qui te faisait mal. Et avant ta hanche, c'était ton dos. Et avant ton dos, c'était tes yeux. Ça fait des mois que tu parles de ton départ, mais tu es encore là. Tu n'iras nulle part, Nadish. Si, je m'en irai. Et j'effacerai les traces de mes pas sur les sentiers. Personne ne saura où je suis parti, et je ne pourrai pas retrouver mon chemin. Mais non, tu ne partiras pas. Comment le sais-tu ? Je le sais. Tu ne peux pas savoir, Atik. Dieu seul le sait. On n'a pas besoin d'être devin pour prévoir ce que feront les mendiants demain. Demain, au lever du jour, on les retrouvera au même endroit, la main tendue et la voix suppliante, exactement comme hier et le jour d'avant. Je ne suis pas un mendiant. À Kaboul, nous sommes tous des mendiants. Et toi, Nazish, demain, tu seras sur le pas de ta porte, à l'ombre de ton parasol crevé, à attendre que tes filles t'apportent ton repas de misère, que tu mangeras à même la terre. Avant, quand je parlais, on me croyait. Avant, tu avais toute ta tête. Tu penses que je suis fou ? Je ne suis pas le seul, hélas. Je rentre chez moi. Excellente idée. C'est vrai, toutes les nuits, je dis que je vais partir. Et tous les jours, je suis encore là. Je me demande ce qui peut bien encore me retenir ici. Un être isolé est irrémédiablement perdu. L'autre jour, un fou criait à tue-tête dans le faubourg que Dieu avait failli. De toute évidence, il ignorait où il en était. Les talibans l'ont fouetté à mort sur la place publique, les yeux bandés et la bouche bâillonnée. La nuit a été longue. Mohsen est resté assis sur sa dalle jusqu'à l'appel du muezzin. Sunaïra non plus n'a pas fermé l'œil. Recroquevillée sur sa natte, elle s'est réfugiée dans de lointains souvenirs, ceux du temps où s'élevait le chant des enfants. Ce n'était pas tous les jours la fête, mais personne ne criait au sacrilège lorsque les cerfs-volants voltigeaient dans les airs. Ils s'étaient connus à l'université. Lui, fils de bourgeois, elle, fille de notable. Il étudiait les sciences politiques pour prétendre à une carrière dans la diplomatie. Elle voulait devenir magistrat. Il était un jeune homme sans histoire, pieux, sans excès. Elle était musulmane éclairée et militait activement pour l'émancipation de la femme. C'était une fille brillante. Sa beauté exaltait les esprits. Tous rêvaient de l'épouser. Mais elle avait choisi Mohsen dès le premier regard. Ils s'étaient mariés très jeunes. Et très vite. Un être isolé est irrémédiablement perdu. Tu t'es levé très tôt ? Je suis allé à la mosquée. À 3h du matin. Je n'avais pas sommeil, alors je suis sorti prendre l'air. C'est vrai, il a fait très chaud cette nuit. Et si on allait faire un tour au marché ? Nous n'avons pas d'argent. On ira juste jeter un œil sur ces tas de vieilleries que l'on fait passer pour des antiquités. Ça nous avancera à quoi ? À pas grand-chose. Mais ça nous fera marcher. Tu n'es pas bien ici ? Si, mais j'ai envie de sortir avec toi. Comme au bon vieux temps. Les temps ont changé. Moi aussi, j'aimerais bien sortir avec toi. Tous les jours, tous les soirs, glisser ma main sous ton bras. Ce serait merveilleux, toi et moi, debout l'un contre l'autre, devant une vitrine, ou bien autour d'une table à bavarder. Mais ce n'est plus possible maintenant. Il y aura toujours quelqu'un d'armé pour nous rappeler à l'ordre et nous interdire de parler. Je préfère encore m'emmurer chez moi. Ici, au moins, je peux me regarder dans le miroir. Ici, c'est juste un refuge. On ne peut pas accepter d'être traité comme ça. Nous allons sortir, toi et moi. On ne se prendra pas par la main, mais rien ne nous empêche de marcher côte à côte. Je ne veux pas rentrer avec le cœur brisé, Mohsen. Tu sais que je suis incapable de faire comme si de rien n'était. Et puis je refuse de porter le tchadri. Ici, au moins, je suis moi, Zunaira, 32 ans. Plus magistrat, d'accord. Licenciée à cause de l'obscurantisme, sans procès, sans indemnité, mais qui se peigne et s'habille au moins tous les jours. Ne me demande pas d'être moins qu'une ombre. Je n'ai pas envie de t'en vouloir alors que tu essaies juste de me faire plaisir. Oui, je comprends. Bon, on y va. Mais non, si tu veux rester à la maison, c'est très bien. Je t'assure que je ne t'en veux pas, tu as raison. Les rues de Kaboul font peur, on ne sait jamais ce qui nous attend. Allez, je vais chercher mon tchadri. Atik Shaukat porte sa main en visière. Il n'est pas encore 9 heures que le soleil implacable cogne comme un forgeron sur tout ce qui bouge. Voiles opaques et pas somnambuliques, de maigres troupeaux de femmes rasent les murs sous la garde rapprochée de quelques mâles embarrassés. Puis, partout sur la place, sur les chaussées, au milieu des voitures ou autour des estaminets, des mioches. Des centaines de mioches aux narines verdâtres et aux prunelles incisives. Livrés à eux-mêmes, à peine debout sur leurs jambes que déjà inquiétants, tressant en silence cette corde en chanvre avec laquelle, un jour prochain, ils pendront haut et court l'ultime salut de la nation. Atik ressent toujours un profond malaise lorsqu'il les voit envahir inexorablement la ville, pareil à ces meutes de chiens qui rappliquent dans ses hauts et qui, de poubelle en décharge, finissent par coloniser la cité et tenir en respect la population. Il a souvent déploré que Dieu ne lui ait pas donné d'enfant. Mais depuis que les rues ne savent pas quoi en faire, ils s'estiment heureux. Nazish somnole à l'abri de son parasol, le cou tordu, à croire qu'il a passé la nuit là, sur le pas de sa porte, assis en fakir à ras le sol. Excuse-moi, Nazish, j'ai été dur hier soir. Je t'avais rien fait, pourtant. Je te demande pardon. Tu étais là pour avoir la paix. Et moi, je débarque sans prévenir. Je n'aurais pas dû te déranger. C'est vrai que j'avais besoin d'être seul. Tu penses qu'on pourra à nouveau entendre de la musique à Kaboul? Qui sait? J'ai envie d'entendre une chanson. Tu peux pas savoir comme j'en ai envie. Une chanson et une voix qui te secoue de la tête aux pieds. Est-ce que tu penses qu'on pourra à nouveau allumer la radio et entendre de la musique? Dieu seul le sait. La musique, c'est le souffle de la vie. On mange pour ne pas mourir de faim. On chante pour s'entendre vivre. Tu comprends, Atik? En ce moment, je n'ai pas toute ma tête. Quand j'étais enfant, il m'arrivait souvent d'avoir le ventre vide. Ce n'était pas grave. Il me suffisait de m'asseoir sur une branche et de souffler dans ma flûte pour ne plus avoir faim. Et quand je chantais, j'étais bien. Au revoir, Nazif. Hé, Atik, est-ce que tu étais sincère hier? Est-ce que tu penses que je resterai là, planté comme un arbre, et que je ne verrai jamais l'océan? Tu veux vraiment que je te réponde? Je ne t'en voudrais pas. Il faut que je sache. Est-ce que tu penses que jamais je ne quitterai cette ville? Si. Mets les pieds devant, sans aucun doute. Oh, Mon Vantel était assorti à son hôtel. Vous croyez au cirque? Mais je ne... On ne rit pas dans la rue. Rentrez chez vous et tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu veux me crever les yeux? Vas-y, montre-moi voir ce que t'as dans le ventre. Allons-nous-en. Ne le touche pas, toi. Reste à ta place. On ne parle pas en présence d'un étranger. Des problèmes? Il se croit au cirque. Qui est cette femme? Mon épouse. Eh ben, conduis-toi en homme. Apprends-lui à se tenir à l'écart quand il discute avec quelqu'un. Où tu vas comme ça? J'emmène mon épouse chez ses parents. Tu la conduiras plus tard. Pour l'instant, tu vas rejoindre les fidèles à la mosquée. Le Mollah Bachir va prêcher dans moins d'un quart d'heure. Je vous dis que je dois raccompagner. Et moi, je dis que le Mollah Bachir va prêcher dans 10 minutes. Tu accordes plus d'importance à ta visite qu'au prêche du Mollah Bachir, c'est ça? Elle va t'attendre ici, au pied de ce mur. Tu la raccompagneras plus tard. Il n'y a aucun doute là-dessus, mes frères. C'est aussi vrai que le soleil se lève à l'est. Tous m'ont affirmé que l'heure attendue est arrivée. Mohsen a depuis longtemps perdu le fil du sermon. Il n'arrête pas de se retourner vers Zonaïra, là-bas, de l'autre côté de la chaussée, immobile sur le perron, en plein soleil sous son tchadri. Qu'une loi, qu'un seul ordre, le Coran. Il doit être 10 heures, et le soleil ne se retient plus. L'air est chargé de poussière. Momifié dans son voile, Zonaïra suffoque. La colère lui noue le ventre et lui obture la gorge. Une folle envie de soulever sa cagoule en quête d'une hypothétique bouffée de fraîcheur redouble sa nervosité. Mais elle n'ose même pas s'essuyer la figure dans un pan de son tchadri. Elle reste là, à dégouliner sous la chaleur, en entendant le sang battre à ses tempes. L'Occident a péri. Il n'existe plus. Le modèle qu'il proposait a failli. En perdant la foi, il a perdu son âme. Il croit à son économie en mesure de le mettre à l'abri. Il croit nous impressionner avec sa technologie de pointe. Il croit nous dissuader avec ses porte-avions et ses armées. Et il oublie qu'on n'impressionne pas ceux qui ont choisi de mourir pour la gloire du Seigneur. Les soldats de Dieu, mes frères. La victoire est notre vocation. Et rien ne nous empêchera d'assainir la terre des Mouminis pour que retentisse Zonaïra, assise sur le seuil d'une ruine, est semblable à un baluchon oublié. Son regard s'embrouille. Mohsen apparaît. Tu te sens pas bien? Je veux rentrer à la maison. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Pour l'amour du ciel, Zonaïra, ne complique pas les choses entre nous. Je suis si désolée. Elle l'avait toisé, l'œil torve derrière le masque grillagé, et s'était mise à hurler. Si la terre s'était dérobée sous ses pieds, il n'aurait pas hésité à la laisser se refermer sur lui. Les cris de Zonaïra se propageaient à travers le quartier, ameutaient les voisins, le traquaient comme une nuée de rapaces déchaînés. On aurait dit la fin du monde. Épuisée, la gorge en feu et les mollets cisaillés, Nazij s'effondre sur le sommet de la crête. À quatre pattes, il essaye de reprendre son souffle. Puis il s'allonge sur le dos et s'abandonne au vertige. Maintenant qu'il a vaincu la montagne, rien ne l'empêcherait de se mesurer à l'horizon. Il brandit son poing dans le ciel et laisse planer son regard au-dessus de cette vieille nécromancienne de Kaboul, opiniâtrement enserrée dans ses tourments, gisant là, à ses pieds, disloquée, hirsute, à plat ventre, les mâchoires brisées à force de mordre la poussière. Il fut un temps où sa légende rivalisait avec celle de Samarcande ou de Bagdad, où les rois, à peine intronisés, rêvaient aussitôt d'empires plus vastes que le firmament. Ce temps-là est révolu. Kaboul a horreur du souvenir. Elle a fait exécuter son histoire sur la place publique, immolé les noms de ses rues dans de terrifiants autodafés, pulvérisé ses monuments et renié les serments de ses fondateurs. Aujourd'hui, les ennemis de Kaboul sont ses propres rejetons. Plus de batailles, de sièges et de fusils. Mais l'océan, les plages sauvages, un pays où les arbres ne meurent pas d'ennui, où les sentiers voyagent comme les oiseaux. Il ramasse 7 cailloux. Longtemps, son regard nargue la ville. Tu penses qu'on pourra à nouveau entendre la musique à Kaboul ? Plus bas, beaucoup plus bas, debout au cœur d'un cimetière, Mohsen Rahmat contemple la montagne. Chaque matin, depuis leur dernière promenade, il vient par ici contempler les cimes taciturnes. Pourtant, il n'y a rien à espérer. Ton visage est mon dernier soleil, Zunaira. Ne me le prends pas. Aucun soleil ne résiste à la nuit. Depuis 10 jours, Zunaira ne quitte plus son tchadri. Elle hante la maison, gardant son voile même pour dormir. Tu me reproches quoi, au juste ? De n'avoir pas remis cet abruti de taliban à sa place. Mais dis-moi ce que je pouvais faire. Ils ont droit de vie et de mort sur tout ce qui bouge. Tu crois que cela ne m'a rien fait? Dis-moi ce que je pouvais faire, Zunaira. C'est ridicule. Je suis perdu sans toi. Tu le sais. Zunaira. Je t'ai dit 100 fois de ne pas me toucher. Je suis ton mari. Je ne veux plus te voir, Mohsen Rahmat. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Tu as compris? Je te l'interdis. Je ne veux plus te voir, Mohsen Rahmat. D'accord. D'accord. Je crois que je suis rentré trop tôt ce soir. Je vais repartir. Si tu veux, je peux passer la nuit dehors. Zunaira, je t'aime. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Je crois que tu n'as pas bien compris. Je ne veux plus te voir, Mohsen. Tu vas sortir de ma vie et ne plus revenir dans cette maison, sinon c'est moi qui m'en irai. Mais pourquoi ? Dis-moi ce que je t'ai fait. C'est fini, Mohsen. C'est pourtant simple. Tout ce que je veux maintenant, c'est que tu t'en ailles vraiment. Je suis encore ton mari. Ici, une femme ne répudie pas son époux. Jamais ! Depuis 10 jours, je prends sur moi, mais là, j'en ai jusque là, tu comprends ? Alors tu vas commencer par enlever ce foutu tchadri. Il n'en est pas question, puisque la charia de ce pays l'exige. Si tu vas l'enlever, mais tout de suite. Mais demande d'abord l'autorisation aux talibans. Vas-y, va les trouver et demande-leur de la retirer, leur loi. Et moi, je te promets d'enlever mon voile tout de suite. Tu veux voir mon visage, ton soleil, comme tu dis. Alors vas-y, tu vas-y. Tu vas enlever ce voile. Jamais. Si tu vas l'enlever. Si. Non. Pardonne-moi, Zunaira. Je ne voulais pas. Tu sais que je ne t'ai jamais frappée. Tu ne vaux pas mieux que tous ces fous qui sont dehors. Pardonne-moi. Même si je voulais, je ne pourrais pas. Je t'en prie. Laisse-moi. Tu vas me laisser. Tu vas me laisser. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bel arrivage pour toi. T'auras de la compagnie au moins. Tu parles. Tu veux pas savoir ce qu'elle a fait? Elle a tué son mari. Ce sont des choses qui arrivent. Elle va rester un peu plus longtemps que les autres. Pourquoi? À cause du grand meeting de vendredi au stade. Des invités importants sont attendus. Du coup, les autorités ont décidé de faire 10 d'exécutions publiques pour mettre de l'ambiance. Ta pensionnaire fera partie du lot. Comme aucune femme n'était programmée pour vendredi, ils ont prolongé son sursis de 5 jours. Atik Shaukat n'a pas compris tout de suite. La prisonnière a retiré son tchadri. Assise en tailleur, les coudes sur les genoux et les mains jointes sur le menton, elle prie. Hormis celui de son épouse, Atik n'a pas vu un seul visage de femme depuis plusieurs années. Pour lui, il n'y a que des fantômes sans voix et sans attrait qui traversent les rues. Des nuées d'hirondelles en décrépitude, bleues ou jaunâtres, en retard de plusieurs saisons, et qui rendent un son morne lorsqu'elles passent à proximité des hommes. Et d'un coup, le voile tombe. Une femme intégrale, compacte, un visage de femme authentique, tangible, intégrale lui aussi, là, devant lui. Quand il était adolescent, il lui suffisait de rêver d'une fille pour entrevoir une aile du paradis. Puis plus rien. Une cagoule grillagée se rabat et confisque tout. Les sourires, les regards, la fossette dans les joues, le froufrou des cils. Le lendemain, Atik s'aperçoit qu'il a veillé la nuit entière, assis face à la détenue, et qu'il ne l'a pas quitté des yeux un seul instant. C'est simple, il n'y a pas de mots pour la décrire. Elle est si belle que ça? Belle? Non, c'est trop banal. C'est bien plus que ça. Je ne me suis même pas aperçu que le jour s'est élevé. J'espère qu'elle ne t'a pas distrait de ta prière, au moins. Si? Tu as oublié de t'acquitter de la salade? Oui. Je t'amuse. Oui. Tu me trouves ridicule? Non. Je suis soulagée de t'entendre dire des choses comme ça. Cette femme doit être une sainte. Ou une fée. C'est ce que je me suis dit la première fois que je l'ai vue. Alors pourquoi on l'a condamnée à mort? Elle n'est pas coupable. Il doit y avoir une erreur. Et elle? Elle dit quoi? En fait, je ne lui ai pas parlé. Pourquoi? Ça ne se fait pas. J'ai hébergé de nombreuses condamnées, certaines plusieurs jours, et on n'a jamais échangé un mot. Elles dans leur cellule et moi dans mon trou. Ça ne sert à rien quand une peine capitale est prononcée. Alors on se tait. Aujourd'hui, je me sens d'attaque. Si tu veux, je peux lui préparer quelque chose à manger. Tu ferais ça pour elle? Je ferai n'importe quoi pour toi. Zunaïra repousse le plateau et s'essuie délicatement la bouche avec un bout de torchon. Il flotte sur son visage comme l'ébauche d'un songe. Elle n'a pas dit un mot depuis qu'on l'a enfermée. Vous avez encore faim? C'est mon épouse qui vous a préparé à manger. Vous avez beaucoup de chance. Je suis sûr qu'il méritait de mourir. Un homme qui ne se rend pas compte de la chance qu'il a. Je suis sûr que c'était une brute. Il vous brutalisait, c'est ça? Pour un oui, pour un non. Je sais qu'il vous a poussé à bout. Il était devenu insupportable. Il vous frappait. Il était merveilleux. C'est moi qui ne me rendais pas compte de ma chance. Je te dis qu'elle est innocente. Qu'est-ce que t'en sais? Elle me l'a dit. Et tu l'as cru? Pourquoi je la croirais pas? Mais parce que c'est une sale menteuse. Elle profite de toi, de ta gentillesse. Et arrête de défendre cette chienne dont tu sais presque rien. À mon avis, t'as suffisamment de soucis comme ça. Elle n'a tué personne. Tu sais que ses voisins ont témoigné contre elle? Ils ont été catégoriques? Cette garce menait un train d'enfer à son mari. Elle n'arrêtait pas de le mettre dehors. Dans son cas, les juges n'ont même pas eu besoin de délibérer. Mon pauvre Attic, si tu te reprends pas, tu vas vraiment mal finir. Oublie-la. Dans 3 jours, elle rejoindra celle qui l'ont précédée, une autre la remplacera. Je sais pas comment elle a fait pour t'embobiner. Mais je t'assure qu'elle est à sa place là où elle est. Laisse-la crever, c'est qu'une femme. Attic marche droit devant lui, indifférent au klaxon et aux cris des charretiers. Il n'écoute que le sang battre à ses tempes, ne voit que le ciel se voilant la face, les ruines dans son dos, les badauds se préparant à envahir le stade, les talibans se pavanant sur les artères, les mollahs haranguant les foules le doigt aussi mortel que le sabre. En claquant la porte de la prison derrière lui, les rumeurs qui le pourchassaient s'estompent. D'un coup, l'abîme est là, et le silence aussi profond qu'une chute. Allez-vous-en. La nuit va bientôt tomber, profitez-en pour passer inaperçu et partez le plus loin possible. Et surtout, ne vous retournez pas, quoi qu'il arrive, sinon on vous tuera. Mais allez-vous-en, je vous dis. Partez. Je leur dirai que c'est de ma faute, que j'ai du mal cadenasser les chaînes. Je suis pashtoun comme eux. Ils s'énerveront contre moi, mais ils ne me feront rien. Je ne comprends pas. Arrêtez de me regarder comme ça. Ramassez votre tchadri et sortez. Pour aller où? N'importe où, mais ne restez pas là. Je ne sais pas où aller. C'était une lueur. J'ai soufflé dessus pour en faire une torche, et je l'ai éteinte. Plus rien ne me retient. J'ai hâte de m'en aller, mais pas comme vous me le proposez. Je ne les laisserai pas vous tuer. Nous avons tous été tués. Il y a si longtemps que nous l'avons oublié. C'est un stupide accident. Et qui peut arriver à n'importe qui. Il a glissé, sa tête a heurté le sol, et il est mort. Il y est pour rien! Elle n'a pas tué son mari! Tu es en train de te faire du mal pour rien. Regarde-toi, on dirait que tu vas devenir fou. Je t'interdis de me traiter de fou! Alors reprends-toi, je t'en prie! Elle n'a tué personne. Je ne veux pas qu'elle paye pour une faute qu'elle n'a pas commise. Tu en as vu d'autres mourir avant elle. Et ben c'est la preuve qu'on ne peut pas s'habituer à tout. Elle est si jeune. Pourquoi elle n'est pas partie lorsque je lui ai ouvert la porte? Et toi? Honnêtement, regarde-moi, s'il te plaît. Dis-moi, en ton âme et conscience, tu l'aurais laissé partir? Puisque je te dis que je lui ai ouvert la porte en gros. J'ai entendu, mais toi, tu l'aurais laissé s'en aller? Bien sûr. Tu l'aurais regardé s'éloigner dans la nuit, sans lui courir après? Tu aurais accepté de ne jamais la revoir? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Retourne auprès d'elle. Parle-lui et elle te suivra. Partez tous les deux le plus loin possible, sans vous retourner. Oh, je ne t'abandonnerai pas. Je sais, mais la question n'est pas là. Cette femme a besoin de toi. Quelqu'un d'autre à ta place serait en train de chanter sur les toits. Retourne vite auprès d'elle. Avec un peu de chance, vous serez de l'autre côté de la montagne avant le lever du jour. J'y pense depuis 2 jours et 2 nuits. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ils nous rattraperont et nous feront lapider. Je suis complètement perdu, vous savez. Je ne veux pas qu'on me la prenne. Tu comprends? Nous avons tous été tués. Il y a si longtemps que nous l'avons oublié. Attic. C'est moi, Moussarat. Comment tu fais pour entrer? J'ai trouvé la porte ouverte. Mais qu'est-ce que tu fais là? Un miracle s'est produit cette nuit. De quoi tu parles? Quel miracle? Je m'étais faite à l'idée que ton cœur était mort. Et puis cette nuit, quand je t'ai vu pleurer, je me suis dit que tout n'était pas perdu. Mais qu'est-ce que tu dis? Je ne t'ai pas offert d'enfant. Et lorsque tu me prenais, tes bras cherchaient quelqu'un qu'ils n'ont jamais trouvé. Je n'étais pas la femme que tu aimais. J'étais l'infirmière qui t'avait soignée. Mais tu deviens folle, Moussarat. Rentre à la maison, maintenant. J'ai cessé d'être désirable pour toi. Et j'en ai souffert. J'ai souffert de chacun de tes soupirs. Combien de fois je me suis surprise à sentir tes vêtements. Mais qu'est-ce que tu veux, au juste? Je me suis dit que la femme qui est capable d'un tel bouleversement ne doit pas mourir. Mais je ne te comprends pas. Tu lui diras que tu as plaidé sa cause auprès d'un mollah influent, sans t'étendre sur le sujet. Elle n'a pas à savoir ce qui s'est passé. Lorsqu'on viendra la chercher, enferme-la dans ton bureau. Je me glisserai dans sa cellule. Ce ne sera jamais qu'un tchadri à la place d'un autre. Personne ne se donnera la peine de vérifier l'identité de la personne qui est en dessous. Tu es complètement folle. De toute façon, je suis condamnée. Dans quelques jours, ou plus tard quelques semaines. Cela n'a pas de sens. Tu sais très bien que j'ai raison. Cette femme ne va pas mourir. Elle sera tout ce que je n'ai pas pu t'offrir. Et tu ne peux pas savoir combien je suis heureuse ce matin. Hé ! Relève la tête, guerrier. Faut que tu viennes avec moi. On a des choses à organiser. On y va. Je peux pas venir tout de suite. Pourquoi ? Mon épouse, elle m'attend dans mon bureau. Je parie qu'elle veut aller au stade. Ouais, c'est ça. Comme mes épouses et mes sœurs. J'ai même dû réquisitionner un minibus pour elle. Eh ben, dis-lui vite de les rejoindre. Tu la récupéreras à la sortie. Tu es libre. L'homme qui attend dehors vient de le confirmer. Aucune charge n'est retenue contre toi. Tu peux rentrer chez toi dès aujourd'hui. Qui est la femme que j'ai vue passer dans le couloir? On a ramené une prisonnière? C'est plus ton problème. Tu es libre. C'est ça qui compte. Je peux m'en aller? Oui, mais avant, je vais t'emmener auprès d'autres femmes dans un petit autocar qui est garé dans la rue. Ne leur dis pas qui tu es, ni d'où tu viens. Il vaut mieux pas qu'elles sachent. L'autocar vous déposera au stade pour assister aux cérémonies officielles. Je ne veux pas aller au stade. C'est obligé. Mais ce sera pas long. À la fin du meeting, je t'attendrai à la sortie et je te mettrai à l'abri. La foule continue d'affluer des quatre coins de la ville. Sur la pelouse, les talibans armés s'affairent avec enthousiasme. Les quelques corps se balançant çà et là au bout d'une corde témoignent que les exécutions publiques ont commencé. Atik saute à terre et ne quitte pas des yeux l'endroit réservé aux femmes. Un remue-ménage se déclare sur une aile de l'arène. Des sbires bousculent un maudit vers son destin. Un homme l'attend, couteau au poing. La séance ne dure que le temps de quelques gestes. L'homme ligoté est mis à genoux. Le couteau étincelle avant de lui trancher la gorge. Le corps ensanglanté est balancé sur une civière. Au suivant. Atik est tellement concentré sur les rangées de tchadri qui le surplombent comme un rempart bleu qu'il ne voit pas les miliciennes s'emparer de leur prisonnière. Cette dernière marche jusqu'au milieu de la pelouse, puis escortée par deux hommes, elle se dirige sur l'emplacement qui lui est réservé. Une voix péremptoire lui somme de s'agenouiller. Elle s'exécute. Et levant une dernière fois les yeux derrière le masque grillagé, elle aperçoit Atik qui lui tourne le dos, là-bas. Au moment où elle sent le canon du fusil lui effleurer l'arrière du crâne, elle prie le ciel pour qu'il ne se retourne pas. Les brancardiers finissent d'entasser les cadavres sur la remorque d'un tracteur. Le brouhaha s'atténue au fur et à mesure. La foule se dilue dans la poussière, trimballant dans son sillage le frisoli des tchadris. Hormis le ciel chargé de poussière et le portail du stade grand ouvert, c'est le silence. Un silence misérable, profond comme un abîme. La pelouse, les gradins, la tribune sont déserts. Atik retourne au milieu de la pelouse, exactement là où une flaque de sang s'est coagulée, et la tête dans les mains, il scrute obstinément, une à une, les tribunes. Déjà, les unes après les autres, les lumières du jour se recroquevillent au faîte des gradins, tandis que les ombres, sournoises et tentaculaires, étendent leurs écharpes par terre pour accueillir la nuit. Zunaïra. Enfin, le soir entasse ses noirceurs au pied des ruines. C'était une lueur. J'ai soufflé dessus un peu fort pour en faire une torche. Et je l'ai éteinte. Attic. Attic. Attic. Zunaïra, j'ai cru que tu étais parti pour de bon. Que jamais je ne te reverrai. Tu te trompais. Où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. Je n'étais pas loin. Je me cachais. J'étais sur le point de devenir fou. Je suis là maintenant. Laisse-moi retirer ton voile, s'il te plaît. Attic. Étendu sur le dos, Attic contemple la lune. Ce soir, elle est parfaitement ronde. On dirait une pomme argentée suspendue dans les airs. Quand il était petit, il passait de longs moments à la contempler. Assis sur un rocher, loin du taudis familial, il essayait de comprendre comment un astre si lourd pouvait flotter dans l'espace. Est-ce que des gens y cultivent des champs ? Et ils font paître leurs chèvres. Une fois, son père était venu lui tenir compagnie. C'est ainsi qu'il lui raconta le mystère de la lune. La lune n'est que le soleil qui a voulu profaner les secrets de la nuit. Et là, ce qu'il vit était tellement insoutenable qu'il en perdit toutes ses ardeurs. Qu'y a-t-il de si grave de l'autre côté de la nuit ? Pour que le soleil y laisse toutes ses couleurs. Dehors, le jour se lève, et les chagrins du monde aussi. Les hirondelles de Kaboul. De Yasmina Kadra. Adaptation, Pauline Ziadé. Avec Marie-Sophie Ferdan, Marc Barbé, Élodie Hubert, Julien Lucas, Aline Lebert, Fred Ulysse, Mohamed Rouabi, François Sienner, Omar Yami, Raphaël Goldman, Justin Blancard, Pauline Ziadé, Aurélien Ozinski. Et les voix de Dina Joya, Masuma, Kubra Khademi, Asibasun, Hashimi Sayed, Saïd Timor Asif, Ajizada Farid, Neksat Rashad, Aziz Amra, Farid Gul Ahmad, Hayat Hamiri, Wahid Mahboubi, Mohamed Moussa ou Mohamed Arif, Tahir Bek. Bruitage, Bertrand Amiel, conseillère littéraire, Caroline Ouazana, prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Alice Kachaner. Réalisation, Laure Egorov. Remerciements à Manouchak Fachaï et Gaël Gillon. Les Hirondelles de Kaboul a été publié en 2002 aux éditions Julliard.